pour l'instant, à l'instant, avec nous, Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Merci. Raymond, on va parler des regards sur les technologies à surveiller et en émergence actuellement. Là, qu'est-ce que c'est exactement tout ça? Oui, ben en fait, c'est Gartner, enfin un cabinet de consultation reconnu, qui publie à chaque année donc ce qu'il appelle le hype cycle, donc le cycle de la hype, si on essaie de le franciser un peu. Ça, c'est une analyse qui du degré de maturité des technologies émergentes. Donc, question de voir un peu où en est la technologie dans l'adoption par la population et est-ce que ces technologies-là, éventuellement, vont justement être utilisées de manière généralisée. Et eux, dans ce cycle-là, parce qu'évidemment, enfin, on se réveille pas un matin avec une technologie qui est irrépandue. Ça prend généralement quelques années, voire quelques décennies, selon la nature de la technologie. Et dans le fond, l'idée, c'est que chaque technologie, selon Gartner, passe par différentes étapes avant, justement, d'être une technologie utilisée de manière généralisée. Alors, selon eux, il y a l'enthousiasme des débuts, ce qu'ils appellent Innovation Trigger. Donc, quand ça commence, on en parle beaucoup et on a l'impression qu'il y a un buzz, si on permet un autre anglicisme, autour de ce produit-là, de cette technologie-là. Et ensuite, ben, plus le buzz s'accentue, plus les attentes augmentent. Et là, on passe au deuxième stade, qui est le peak of inflated expectations. Donc, les attentes qui sont démesurées, essentiellement. Donc, on promet les miracles autour d'une technologie. Ça devient la panacée, si on peut dire. Ouais. Et ensuite, ben, évidemment, puisqu'on a monté un peu trop haut par rapport à ce que la technologie sera éventuellement capable de livrer, il y a la désillusion qui vient, donc où il y a certaines expérimentations qui marchent un peu moins, où finalement on balance un peu les attentes par rapport à ce que justement, comme on disait, la technologie peut livrer. Et ensuite, là, on est en chute de courbe, et ensuite on remonte tranquillement dans leur courbe avec le retour en grâce, donc ce qu'ils appellent eux le slope of enlightenment, où on se dit, finalement ça peut avoir un usage intéressant, on va accentuer ça, et là ça commence à remonter. Mais c'est plus sûr. On a un plateau. Et quand on est rendu là, généralement, après ça, on va passer à la dernière étape qui est le succès. Donc, le plateau de la productivité, où là, la technologie devient quelque chose de beaucoup plus généralisé. Alors, ce qu'on dit, c'est que toutes les technologies qui sont aujourd'hui implantées dans la vie quotidienne, comme le big data, l'info nuagique, la 4G, la tablette tactile, sont passées par l'ensemble de ces étapes-là. Et évidemment, il y en a d'autres qui sont en attente. Eux identifient 32 technologies qui se situent à différents endroits à l'intérieur de cette courbe-là. Certaines qui sont rendues au plateau, en route vers le plateau de la productivité, là, si on peut dire, c'est le cas de la réalité virtuelle qui a franchi un peu cette étape-là cette année, peut-être justement avec les casques Oculus, entre autres, et les autres machines, si on peut dire, de réalité virtuelle qui sont beaucoup plus accessibles que les anciens appareils. Eh bien, là, ça permet une adoption massive de la technologie parce que, subitement, on passe d'une technologie qui était coûteuse, qui était plutôt utilisée dans des contextes particuliers à un appareil qui finalement est accessible à tous à un coût qui est relativement raisonnable. Donc, c'est encore cher, mais c'est beaucoup moins cher que ça aurait pu l'être. Et éventuellement, ça risque d'être le cas pour d'autres technologies aussi. Mais c'est vraiment la réalité virtuelle. Dans la réalité virtuelle, combien ça peut coûter? Est-ce que je te pose mais quelques centaines de dollars, mais c'est un peu comme la Kinect des premières années. Okay. Donc ça devient des appareils qui mettent en application en production de masse, si on peut dire, une technologie qui était jusqu'à récemment non utilisable dans ce contexte. Mais c'est en termes de centaines de dollars. Oui, peut-être en bas de 700. On a investi un peu puis on peut se payer, ouais. Et là justement dans ce contexte-là, on dit regardez, la réalité virtuelle s'est lancée et c'est dans le fond d'autres technologies qui suivent un peu la réalité virtuelle, comme la réalité augmentée par exemple, qui eux aussi s'en viennent tranquillement, là, sortent du creux de vague pour revenir vers la deuxième montée de leur courbe. Et pour ce qui est de la courbe elle-même, là, au sommet de ce qu'on a appelé tantôt celui de l'excès, la panacée, l'imaginaire, le mythe, le rêve, et bien là, c'est vraiment tout ce qui est intelligence artificielle qui s'y trouve. Alors, on parle des technologies comme le deep learning, les véhicules autonomes, le machine learning, la gamme de produits ou de technologies qui sont associées, si on peut dire, à l'intelligence artificielle s'y retrouve. On en entend effectivement beaucoup parler, on en parle même ici en chronique aussi. Alors ça, c'est vraiment au sommet. On a l'impression que ça va pouvoir régler beaucoup de problèmes. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qui va persister, mais c'est certain que il va persister quelque chose. Il y a des avancées qui sont quand même en train d'être faites. Alors ça, ce sera intéressant de suivre les choses. Ce qui veut dire qu'il y aura un ménage qui va être fait, hein, pour arriver à le palier plus réaliste. Il faut que, bon, il y a des idées qui vont prendre le bord. Oui, mais il faut qu'il y ait un ménage, puis il faut qu'il y ait une adoption. Ouais. Dans l'absolu, si on se reporte par exemple au téléphone intelligent, c'est un exemple d'un conférencier que j'avais entendu dans un colloque, enfin prof de l'Université Laval, Guillaume Lazotot, qui disait, au départ, en fait, ce qui était pensé avec le téléphone intelligent, c'est de pouvoir téléphoner et de pouvoir écouter de la musique sur le même appareil et d'avoir un appareil photo, dans le fond, de concentrer trois appareils en un. Mais à l'époque de la conception du téléphone intelligent, les concepteurs avaient pas idée que ça deviendrait plutôt comme un accès à Internet avec des applications et que finalement, ça serait moins un téléphone, un peu moins un appareil photo, pas tant que ça pour écouter de la musique, mais ça serait pour faire une foule d'autres choses qui n'étaient pas considérées au départ. Donc, quand on arrive, dans le fond, dans la zone un peu plus d'adoption, si on peut dire, ben là, c'est peut-être aussi le moment où les usages se définissent. Et des usages, oui. c'est le consommateur, mais c'est les usagers qui décident. C'est les dirigeants, c'est les usagers. C'est ça, exactement. C'est selon l'usage que toi et moi et tous les gens qui nous écoutent font d'une technologie, ben c'est ce qui va devenir l'usage de la technologie, peu importe ce qu'on en ait considéré au départ. Et donc, tant qu'il n'y a pas un usage de masse, ben, l'innovation, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner dans un contexte, évidemment, d'usage de masse, parce que c'est pas toutes les innovations non plus qui sont destinées à un usage de masse. Certaines innovations vont devenir moteurs d'autres innovations, vont être utilisées en recherche, en entreprise et autres, mais sortiront pas nécessairement non plus de ce spectre-là, comme le téléphone intelligent ou la tablette tactile l'ont fait. Mm-hmm. Donc, il y a tout un processus là qui s'étale sur un certain nombre d'années aussi. Sur un certain nombre d'années, et eux, ça les amène aussi à pouvoir essayer d'évaluer ou d'anticiper le nombre d'années dans lesquelles ça pourrait être intégré. Là. J'imagine que dans ces affaires-là, il faut être prévoyant parce qu'il y a des sous d'investis, là, il y a de l'argent. En fait, le hype cycle de Gartner est très attendu dans le milieu technologique. Je vous en parle à peu près un mois en retard, là. Disons que c'est quelque chose qui est très suivi parce que justement, ben, ça permet de s'aligner, si on peut dire, sur les choses ou de confirmer des tendances qu'on a pu observer avec des activités de veille, lors d'événements et le reste. Alors, ça vient avaliser ça. Et quand on parle, par exemple, de période d'adoption, ben, la réalité virtuelle, déploiement massif, on parle de 2 à 5 ans. Donc, ça s'est accéléré un peu. L'an dernier, c'était 5 à 10 ans. Parce que, justement, il y a eu l'arrivée de cette technologie-là, Oculus et autres, qui a permis de resserrer un peu les délais qui sont attendus. Les drones commerciaux, ça risque d'être un peu similaire. Donc, il y aura une utilisation généralisée dans une période beaucoup plus courte que ce qui était évalué. C'est fou parce qu'on en parle tellement de ces affaires-là qu'on a l'impression que c'est sur le marché, mais c'est pas toujours accessible ou facilement accessible, en tout cas. Non, exactement. Puis à ça, ben, on rajoute aussi, je parlais d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle. Il y a aussi tout ce qui est expérience immersive là, qui vient s'ajouter au cycle, si on peut dire. Ça, l'expérience immersive, c'est la réalité virtuelle? Variante? Ben c'est plus des expériences. Ça fait longtemps un peu dans le spectre de la réalité augmentée, si on peut dire, qui est à la remorque d'eux, mais c'est un peu la suite. Dans le fond, si la réalité virtuelle s'impose, ben, évidemment, la notion d'immersion va être développée, mais à ça, on parle de technologies qui seraient intégrées peut-être dans d'autres éléments que simplement l'écran, que simplement les lunettes et autres. Donc, d'amener l'expérience dans la sphère urbaine, dans la sphère du quotidien, de déployer autrement la manière dont on écoute la télé, le reste. Donc, c'est ce type d'expérience-là qui sont peut-être à attendre ou à espérer de ce côté. Et à ça, ben, comme je disais, il y en a 32. Donc, 32, quand on regarde fou, un là, peu la file... Je serais bien en peine de t'y nommer. j'ai la liste complète et détaillée. Là. Donc, on peut faire un survol, mais je donne quelques exemples. Là, dans le bas de l'échelle, il y a ce qu'on appelle, je retrouve le terme, la poussière intelligente. Donc, qui vient de faire son apparition. La poussière intelligente, c'est un réseau sans fil de minuscules systèmes micro-électromagnétiques qui permet de mesurer des grandeurs comme la luminosité, la température ou les vibrations. Alors ça, c'est des systèmes qui sont dispersés dans un environnement comme l'air, par exemple, qui effectue des mesures et qui renvoie des informations par radiofréquence. Donc, encore là, on part des objets connectés, on dit on va connecter plein de choses, mais on arrive avec, finalement, des notions comme la poussière intelligente qui pousse, dans le fond, ce concept-là encore plus loin. Ouf. Mais dans certains cas, c'est que les preuves technologiques n'ont pas encore nécessairement non plus été faites. Donc, c'est des preuves de concept en application combien ça coûte. Donc, il y a toujours cette échelle-là. Et si je reste dans le bas de la, dans le bas le plus loin, là, des technologies qui viennent d'apparaître, il y a l'impression 4D aussi. Donc, ça, c'est une impression 3D, mais d'objets dont la forme peut évoluer au cours du temps en fonction de simulations extérieures. Donc, la forme de l'objet n'est pas fixe, mais peut progresser. Ça demande un effort d'imagination quand même. La technologie, là, est au-delà de l'imagination. Oh, oui. Est-ce que, par exemple, là, j'entendais parler hier, je ne sais plus si tu as découvert ou de l'ordinateur quantique. Là. Est-ce que je sais qu'on travaille là-dessus, on parle de oui, mais ça, je te dirais que c'est à peu près au milieu. Si on figure la courbe, la première grosse montée, là, c'est à peu près au milieu de cette montée-là présentement, les supercalculateurs quantiques. Donc, je rappelle, ça, c'est des machines dont les calculs se basent sur les propriétés quantiques de la matière, comme la superposition, l'intrication d'états quantiques. Et à la différence d'un calculateur classique qui travaille sur des données dites binaires, donc des 0 et des 1, mais le calculateur quantique, lui, travaille sur des qubits dont l'état peut posséder plusieurs valeurs. Donc, on a un calcul qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace. Alors ça, c'est en milieu de piste environ. Okay. Si j'y vais avec d'autres idées, mais les robots intelligents, par exemple, ça commence à arriver vers le haut. On connaît évidemment ce type de technologie-là. C'est fou parce qu'il y a 5 ans, les robots intelligents étaient sûrement pas en tête de liste. Là. Non, exactement. Puis c'est là, en fait, tout ce qui est intelligence artificielle est en tête de liste, mais évidemment, ça tire toutes les possibilités d'application. Alors, tu sais, que ce soit véhicule autonome, on parlait de machine learning ou deep learning aussi, ça, c'est des termes dont on entend déjà beaucoup parler, mais dont on entendra encore plus parler. Et ensuite, justement, ça va, on va expérimenter, on va mieux définir les possibles et on va voir comment ça va progresser. À t'écouter, Raymond, j'en apprends beaucoup, moi, sur les nouvelles technologies et tout ça. J'ai l'impression que l'école a du rattrapage à faire. Les jeunes, les tiens et les miens ont vraiment du rattrapage à faire parce que ça va être leur génération. Ils vont être les deux pieds là-dedans, la vitesse où ça va. Là. Oui, puis je pense en fait que c'est pour ça que le débat sur l'apprentissage du code à l'école est aussi intéressant et aussi dans l'air du temps. Ben oui. Parce que, veut pas, on apprend l'anglais, on apprend le français parce que c'est des langages qui sont nécessaires pour fonctionner dans nos sociétés, pour pouvoir échanger, faire des échanges commerciaux et le reste. Donc, l'anglais, c'est quand même la langue internationale. Mais il y a l'autre langue internationale qui est celle du code. Dans une société qui va être de plus en plus informatique, mais ça devient nécessaire de comprendre comment ces choses-là se font pour pouvoir, à tout le moins, un peu sur le principe qu'on a une vague idée de comment fonctionne le moteur d'une automobile. Mais il faut avoir aussi une certaine idée de comment fonctionnent les détails d'un appareil technologique parce que notre société s'en va vers là. Et donc, c'est pour ça que... Et rapidement, à t'écouter parler, je me fais... Ah oui, OK, mais ça va vite, là. Oh oui. Écoute. Ça va très vite et il faut se donner les outils pour, justement, comme tu dis, rattraper la technologie un peu et pouvoir mieux saisir, dans le fond, la nature de ces outils-là et la nature des systèmes qui les sous-tendent. Parce qu'au bout du compte, ça reste de la programmation informatique dans à peu près l'ensemble des cas de technologies dont on a parlé. Donc, c'est du code qui est à la base de ça et c'est un nouvel alphabet qu'il va falloir, je dirais pas maîtriser, mais comprendre. Ben, comprendre, tout le monde. C'est drôle parce que mon garçon qui a 17 ans, qui est rentré au cégep cette année, il me dit, ouais, faudrait bien que j'apprenne la programmation. Il a comme senti une urgence tout à coup en fin de semaine. Je sais pas d'où c'est venu, mais faudrait que j'apprenne la programmation. Il me semble que ce serait vraiment utile. Je pense qu'il y a eu l'illumination, là. Puis les jeunes encore, les tout petits, ils vont vivre dans ce monde-là. Puis eux, les ordinateurs quantiques, ça sera probablement leur quotidien, là. Ben, quand on parle de 5 à 10 ans pour l'adoption des choses qui sont en haut de la pile, peut-être qu'on parle d'une vingtaine d'années pour les choses qui sont de l'autre côté, s'ils réussissent à traverser, si on reste dans le Gartner Hype Cycle. Mais effectivement, dans le fond, ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui, vont vivre avec ces technologies-là. Ça va être quelque chose qui va être dans leur quotidien et quelque chose qui va probablement apparaître au fil de leur adolescence si c'est des tout petits ou un peu plus vieux. Donc, 5-10 ans, c'est pas long. C'est demain, là, pratiquement. C'est le temps de grandir. Et surtout, en fait, c'est après ça, c'est de voir la nature de l'usage qui va être utilisé. Mais le téléphone intelligent, ça a été une révolution. Ça a complètement changé nos manières de faire. Et aujourd'hui, on s'imaginerait difficilement sans téléphone intelligent. Comment je fais si j'ai envie de voir ces données-là, les 32, dans l'ordre, c'est Gartner Hype Circle? Oui, en fait, je conseillerais effectivement de chercher dans l'outil de recherche parce que le rapport lui-même, en fait, demande certains abonnements et certains coûts. Okay. Mais par contre, il y a une couverture de presse assez massive dans plusieurs médias spécialisés anglophones et francophones. Donc, cherchez Gartner Hype Cycle 2017 et vous devriez tomber sur une multitude, une pléiade d'articles sur le sujet. Parce que c'est fascinant quand même, même si je m'y connais pas tant, je suis fascinée. Absolument. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée.